Chapitre 49e, l'accusé. Ce fut un moment de grande anxiété. Pendant que cette bagarre, pour la Broquet et Gabriel en tant qu'assesseur 1 et 2, avaient observé une prudente neutralité. Leur rôle était d'obéir seulement aux ordres de Zygomar, et comme la foule, ils demeuraient impassibles, attendant que l'on connût le vainqueur pour savoir qui allait commander et qui l'on devait servir. Ils se contentèrent d'enlever, comme c'était dans leur fonction, les planches, les draps, les attributs qui formaient tout à l'heure la tribune redoutée et maintenant ridiculisée du Zygomar vaincu. Et l'on eut une fois encore l'image d'une royauté qui tombe, d'une majesté qui s'écroule, d'un pouvoir détruit. Tout ce qui en formait l'imposant appareil n'était plus que débris vulgaires, lamentables oripeaux, tristes décombres. Dans le fond de la salle, les deux assesseurs, fidèles du Zygomar défait, étaient également maintenus, bâillonnés, réduits à l'impuissance, au silence. Alors Zygomar, celui qui maintenant, après cette révolution, était vainqueur, se donnait ce titre, celui que les aides enthousiasmées reconnaissaient pour maître, prit de nouveau la parole. Cet homme, qui a eu l'audace de se prétendre Zygomar, qui a cru pouvoir jouer ce rôle écrasant, n'est qu'un mauvais comparse. Il faut, mes amis, que vous sachiez qui sait ce qu'il vaut. Et la honte d'avoir pu un instant obéir à ce misérable sera la punition de ceux qui ont douté de la puissance de Zygomar. L'orateur poursuivit, et maintenant Paulin Broquet reconnaissait le timbre de la voix, ce timbre chaud, vibrant, sonore, qui éclatait comme une fanfare sous ses voûtes où il prenait l'ampleur de la voix d'un prédicateur dans une cathédrale. Oui, il la reconnaissait bien maintenant, cette voix. C'était celle qui, à la Barbotière, avait prononcé son éloge funèbre. C'était celle qui, dans le grenier de Zulma, l'avait interrogé. C'était celle qui, dans les rencontres, le bravait, lui criait des insultes. Celle enfin qu'il avait cru éteinte à jamais, après un suprême juron de vaincu dans le jardin du comte de la Guérinière. Et cette voix se faisait entendre aujourd'hui plus vibrante, plus claironnante, plus triomphante qu'autrefois. Paulin Broquet se dit alors « Bon, Zygomar est revenu. La grande bataille va recommencer. » Sans être troublé fortement par cette perspective, il s'apprêta à suivre les péripéties de ce drame qui continuait de si étrange façon. Il pensait en lui-même « Mon compère Lehun avait raison de compter sur une séance mouvementée ce soir. Lui, qui en ce moment dort si paisiblement, là-bas, dans un couloir, ne se doute pas que la séance est ici bien plus agitée qu'il ne l'espérait. » Mais l'orateur reprit « Cet homme, que vous ne vouliez plus suivre et avec raison, non seulement ne pouvait servir à Zygomar, mais se servait de lui. Il agissait seulement pour son propre intérêt. C'est un incapable, un maladroit, un grotesque. Savez-vous quels sont ses derniers exploits ? Non, car il ne vous disait rien, et pour cause. Il espérait toujours garder pour lui le grand profit, et vous donner à vous, quand vous manifesteriez votre mécontentement, quelques pièces de 100 sous, comme un os à ronger au chien qui va mordre. » Cet homme apprit au cirque, dans la loge de deux artistes, Rosa de la Huerte et Miss Eden, deux bijoux de la plus grande valeur. Vous en a-t-il parlé ? La foule sourdement répondit « Non !» Parbleu, il voulait, pour lui et ses quelques camarades fidèles, garder tout le bénéfice. Cet homme, pour accomplir ce haut fait, a tué une petite bonne bretonne. Le lendemain, il a poussé sous les roues d'un autobus une pauvre danseuse, Bianca, soit deux meurtres inutiles. Et le résultat de tout cela ? Paulin Broquet lui a repris les bijoux. Zygomar se mit à rire. Avouez, mes amis, que c'était peu habile, et qu'il eût bien mieux fait, au lieu de garder ses bijoux chez lui, pour lui, de s'adresser au vieux poilu, pour vous tous. Les auditeurs, maintenant, apprenant qu'ils avaient été joués, volés par celui qui se donnait comme leur chef, commençaient à se monter contre lui, et ils eussent été enchantés que Zygomar, comme gage de bon retour, leur abandonnât cet homme. L'orateur les calma d'un geste. « Attendez, mes amis, attendez. Vous allez voir plus grandement encore combien cet homme était digne de vous commander. Quel chef vous aviez. Écoutez. Cet homme, mécontent de n'avoir pas su garder les bijoux volés, comptait en prendre d'autres à la même personne. Ce n'est plus au cirque qu'il essaie son coup, mais j'ai mis ses deux de même. Et là encore, il se fait prendre par Paulin Broquet. Vraiment, c'est avoir peu de chance. Ou être d'une maladresse insigne. » L'homme accusé s'agitait de plus belle entre les mains de ceux qui le tenaient. Zygomar alors s'adressant à lui. « Tu protestes. Tu veux dire que ce n'est pas vrai. Fort bien, tu vas pouvoir parler. » Et Zygomar commanda. « Détachez-le. Enlevez-lui son baillon. » Les hommes en cagoule rouge, faisant office d'assesseur du nouveau Zygomar, après avoir été les membres du conseil de Zygomar, maintenant leur prisonnier, le débarrassèrent des liens dont il l'avait entouré. « Parle !» dit Zigomar. Les premiers mots de cet homme furent des injures, des grossièretés jetées à l'adresse de son vainqueur, qui, sans sourciller, laissa passer ce flot d'ordures. « Je croyais que tu voulais me prouver que je suis un menteur !» dit Zigomar avec le plus grand calme. « Tu m'insultes seulement. L'insulte n'a jamais été un argument. Elle est souvent la preuve de la culpabilité de celui qui la profère. » Puis il reprit, s'adressant aux aides. Cet homme avait pour complice un bon et brave garçon, qui eut le tour de croire, lui aussi, que Zigomar, le grand, l'immortel Zigomar, pouvait disparaître. Cela porte malheur de croire à la fin de Zigomar. Ce garçon avait en outre le tort de vouloir tout de suite de l'argent, beaucoup d'argent, pour lui, pour sa passion, pour son amour. Ce garçon, qui seconda cet homme dans son acte au cirque en coupant la lumière électrique, qui l'aida à pénétrer chez Miss Eden, a d'abord eu un bras brûlé. Puis, en voulant pour obéir à cet homme et pour plaire à une femme aimée, tuer Paulin Broquet et Miss Eden, il commet la plus grosse faute qui soit. Il a voulu empoisonner, tuer avec du macaroni Paulin Broquet, qui se méfiait et qui devait prendre ses précautions contre un pareil festin. Et cet homme est mort, lui seul, de cette mort affreuse qu'il préparait pour notre redoutable ennemi et pour la rivale de la femme rousse aux cheveux teints. Voilà comment s'y prend cet homme, avouez qu'il n'est pas heureux. Le prisonnier, en se débattant, parvint à défaire son bâillon qu'on lui avait remis. Il cria « Tu mens à ton tour, tu mens. Je ne suis pour rien dans tout cela. Fungetti travaillait seul. »« Avec toi ?» « Il travaille avec toi. » »« Non. Moi, je me suis dévoué aux aides. Je n'ai pas réussi certaines affaires, c'est vrai. Mais cela arrive à tout le monde. Et ce n'est pas la première fois que Zigomar ne réussit pas. Il a manqué le colis de la baronne, encore plus bêtement. Il a manqué le coffre-fort du baron bien plus tragiquement. Qui le lui a reproché alors ?» La réplique était puissante, à droite. Le prisonnier, cessant d'insulter, parlait, fournissait des arguments, et la salle l'écoutait. Il poursuivit. Admettons que je me sois laissé prendre par Paulin Broquet, une fois, deux fois même. J'ai su m'en tirer, puisque me voici parmi les aides, me voici à mon poste. L'autre, celui qui se déclare le seul, le vrai Zigomar, qui me traite d'usurpateur, où est-il? Qu'a-t-il fait depuis longtemps pour les aides dont il se prétend la providence? Il a été abattu par Paulin Broquet et il est tombé sur la pelouse de l'hôtel du comte de la Guérinière. Depuis, on ne l'a plus revu. Est-il mort? Est-il vivant? Personne ne le sait. S'il est mort, paix à ses cendres de vaincu. Mais s'il est vivant, il est sans excuse de ne pas être revenu parmi nous. Et si c'est lui qui m'accuse ce soir, en a-t-il le droit, après ce qu'il a fait? Abandonnant les aides, il est allé se mettre en lieu sûr, délaissant ses hommes, ne s'occupant pas d'eux, et leur envoyant même pas 100 sous quand ils n'ont pas d'os à ronger. L'argument avait porté, la foule maintenant hésitait. Elle flottait. Elle se demandait lequel de ces deux Zigomar, s'en voyant ainsi à la face leur vérité, lequel était le bon, le vrai, celui enfin qu'on devait suivre, le maître invisible, que personne ne pouvait connaître, à qui tous devaient obéir. Il y eut un moment de silence impressionnant. Mais bientôt le Zigomar, qui se trouvait à la tribune, prit la parole et dit solennellement « Les corbeaux qui passent dans l'air croasse, font du bruit à chaque coup d'aile, ou claquent du bec pour râper un malheureux verre de pourriture. Les corbeaux sont des animaux néfastes. Le blé pousse lentement, silencieusement, mais un beau jour, il couvre la terre d'une toison d'or, et il offre la richesse à ceux qui ont eu confiance en lui, à ceux qui, après l'avoir laissé dans la nuit de la terre, attendaient qu'il apparût au clair soleil de travail et de joie. Zigomar est le blé. Pendant de longs mois, il s'est tenu dans le silence laborieux. L'heure de la moisson est venue, et elle apporte à ceux qui ont attendu des sacs de grains d'or. » Il fit un geste. Chacun des membres de son conseil qui l'entourait se pencha, puis se releva et déposa sous la tribune un sac. Zigomar, au hasard, en renversa un. Une cascade de louis s'en échappa, roula comme du soleil fluide sur la nappe sinistre qu'il irradia, et fit entendre la chanson à voix d'or qu'il comprise et goûtait dans l'univers entier. Alors ce fut un cri spontané, un éclat de joie, un rayonnement de gloire. « Vive Zigomar !» L'orateur, cependant, d'un geste large, calma ses enthousiasmes. « Voici pour vous, mes amis. Ce n'est que le don de bon retour de Zigomar. Il y en a encore, il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Oui, maintenant, il y en aura toujours. » Puis il reprit. « Je n'en ai pas fini avec cet imposteur. » Au milieu de son triomphe, Zigomar doit penser à la justice qui seule assure l'avenir et garantit le bon fonctionnement de notre organisation. Tout à l'heure, cet homme vous a dit qu'il se dévouait pour vous. Il vous a fait entendre qu'il donnait sa vie pour vous. Cet homme mentait une fois de plus. Il mentait odieusement. Cet homme, au lieu de servir les aides, les trahissait. » La foule frémissait, tout à coup indignée et se sentant des besoins de vengeance, de cruauté.